Bienvenue à une autre émission de Web Musique. Vous êtes en compagnie de Simon Roy. On va passer la prochaine heure ensemble, puis je vous ai fait une belle sélection de musique assez éclectique ce soir. Donc, on va débuter avec un premier bloc à tendance folktronica, un peu de 8 bits mêlés au travers de ça. Vous allez voir, c'est vraiment bon. Donc, on va débuter avec Canil, la pièce, excusez-moi, la petite... Ensuite de ça, ça va être Noise Waves avec Someone Unique. Ça, c'est publié sur Pterodactyl Squad. Puis Canil est sur Petite et Jolie, un netlabel qui est en hiatus en ce moment. Donc, il n'y a pas grand-chose qui se passe de leur côté. Le site n'est pas fermé, mais donc c'est ça. Je crois qu'ils sont en panne d'inspiration. Donc, j'ai hâte de voir s'ils vont publier d'autres trucs. On écoute tout de suite Canil. We'll be right back. C'était la pièce Someone Unique par Noise Waves, donc ça nous vient de Grand Rapids au Michigan. C'était sur le netlabel Pterodactyl Squad, un netlabel qui vient de l'Angleterre. Donc je vous invite à aller les visiter. Ils ont pas mal d'artistes qui sont un peu dans ce style-là. Donc ils se spécialisent dans des trames sonores de jeux vidéo qui n'existent pas nécessairement. Donc c'est influencé par le monde 8-bit. Avant, on avait débuté par un artiste de Paris du nom de Canil. C'était sa pièce La Petite Aiguille. C'était sur Petite et Jolie. Canil, qui est lui-même le fondateur du label Petite et Jolie. Donc, on va poursuivre Web Music avec Disaster Piece. C'est un artiste que je suis depuis un bon bout de temps, qui est vraiment intéressant, qui donne dans le 8-bit. Il a fait la trame sonore aussi d'un petit jeu qui s'appelle Rescue the Bagel, petit jeu vraiment au look 8-bit, vraiment drôle. Puis, vous pouvez pas arrêter de jouer à ce jeu-là. Donc, je fais passer sa pièce Neutral Morning, c'est sur Pause Music. Puis ensuite de ça, sur No Type, je vous fais passer de Twombly Spiders, la pièce de Sunsetting on LaGuardia. Vous allez voir, cette pièce-là est très bonne. Donc pour tout de suite, on écoute Disaster Piece avec Neutral Morning. We'll be right back. C'était la pièce de Sunsetting on LaGuardia, donc par The Twombly Spiders, un groupe qui nous vient du Maine. C'était publié sur l'étiquette montréalaise No Type. Je vous invite à aller faire un tour du côté de No Type. Ils ont énormément d'albums disponibles, une étiquette vraiment intéressante. Puis c'était précédé par Disaster Peace, la pièce Neutral Morning. Ça, c'est un artiste qui vient de Brighton, au Massachusetts. Donc ça, c'était publié sur Pause Music. On va poursuivre Web Music avec Ornament, qui vient de Stourbridge, en Angleterre. Je vous fais passer sa pièce Heirs to Your History. Puis ensuite de ça, c'est publié sur Pulsation for You. Ça, Pulsation for You, c'est un sous-label de Dars Records. Ça vient de la Russie. Donc, le groupe s'appelle Ursula. J'ai pas beaucoup d'informations à part... qui viennent de l'Estonie. Ils n'ont pas de site web actif. Je vous fais passer leur pièce Sailor. Donc, on écoute Ornament avec la pièce Heirs to Your History. L'Estonie, c'était Ursula avec leur pièce Sailor, donc un heureux mélange de musique orchestrale, de surf rock, d'électro, des petites touches de hip-hop. Donc retenez ça, Ursula de l'Estonie. C'était publié sur Pulsations for You. Puis avant ça, ben, c'était Ornament, un artiste de Stourbridge en Angleterre. C'était sa pièce Heirs to Your History. Donc, ben, je vous rappelle que la playlist de l'émission est disponible en tout temps, la balado aussi. Donc, vous avez juste à vous rendre sur le site de l'émission qui est au www.webmusique.org. Donc, vous vous rendez là, vous consultez la playlist, puis ben, les pièces que vous appréciez, ben, vous pouvez les télécharger gratuitement. Puis, vous êtes même encouragé à partager les pièces. Tout ça est là pour vous. Gênez-vous vraiment pas, venez faire un petit tour sur le site. On va écouter une pièce de Bacchanal Intruder. C'est un artiste espagnol qui publie sur Zymogen. Je vous fais entendre sa pièce Peladilla. Thank you. Société nationale des Québécois et des Québécoises de la capitale est fière de présenter, en collaboration avec la SAQ et la Ville de Québec, le spectacle Émergence Capitale 2010, le 23 juin à Place Diouville. Au programme, le folk rock déjanté de Shampoing et les complaintes électriques de Kit Kuna. L'animation de la soirée sera assurée par Tania Beaumont, animatrice de CKRL, qui propose une émission en direct du site dès 19h. Un tremplin pour les artistes de Québec, un rendez-vous à ne pas manquer, le 23 juin prochain à Place Diouville. Pour plus d'informations, capital.fêtenationale.qc.ca. Vous écoutez CKRL 89.1, la radio culturelle à Québec. De retour à Web Musique, donc vous êtes toujours en compagnie de Simon Roy. Avant la pause, on entendait l'artiste espagnol Bacchanal Intruder avec sa pièce Peladilla. Ça s'était publié sur Zymogen, une excellente étiquette, je crois, qui est allemande. Donc, on va poursuivre avec un artiste du Portugal cette fois-ci, du nom de Motown Junkie. C'est le fondateur du netlabel Phonotactics. Je vous fais passer sa pièce Flame Tongue. Ça fait toujours plaisir d'avoir un album sur Phonotactics. C'est toujours surprenant à chaque fois. Donc, ensuite de ça, un groupe de l'Angleterre, plutôt un artiste de l'Angleterre du nom de Morphin Mish, avec sa pièce Face the Darkness. Vous allez voir une pièce assez brutale, du dubstep avec de la grosse basse sale. Vous allez voir, c'est vraiment bon. Donc, on écoute tout de suite Motown Junkie avec Flame Tongue. We'll be right back. C'est une pièce avec de la sub-bass, mais très sub-sub, si on veut. J'aimerais ça écouter ça justement avec un sub, voir le massage que ça peut donner, cette pièce-là. C'était Face the Darkness par Marfamish. C'est un artiste qui vient de l'Angleterre. C'était publié sur Black Lantern Music. Puis avant, c'était du Portugal Motown Junkie avec sa pièce Flame Tongue. Ça, c'est publié sur Phonotactics. Donc, on va poursuivre Web Music avec donc un artiste qui vient de l'Allemagne, Mr. and Mrs. Brian. La pièce s'appelle Humiliating de Distorted. C'est un peu, je ne sais pas comment je pourrais décrire ça, tendance post-punk ou quelque chose du genre. Puis, ça va être suivi par une pièce qui n'a absolument aucun lien. C'est une pièce de Dadiv, donc la pièce Punition. C'est publié sur Scar Moments, un net label qui vient de la Suisse. Dadiv qui est né en Sicile. Donc, on débute avec Mr. and Mrs. Brian. Welcome to my music room. d'Adiv avec sa pièce Punition. Avant ça, c'était Mr. and Mrs. Brian, l'excellente pièce Humiliating de Distorted. Donc, deux pièces qui n'ont absolument aucun lien ensemble, mais que j'adore. Donc, c'est ça, ça va déjà être tout pour Web Music. Je vous invite à faire un tour sur le site de l'émission qui est au www.webmusic.org. Donc, un petit tour sur le site, ça va vous permettre de télécharger la balado si vous avez manqué des petits bouts de l'émission. Ça va vous permettre aussi de voir la playlist et de télécharger toutes les pièces que vous avez entendues à l'émission. On va se quitter avec un peu de dub aztèque par un groupe mexicain du nom de Nahuatl Sound System. Je vous fais passer la pièce Doban de Ano. Donc, on se laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne semaine sur les ondes de CKRL.